comme une planète sous l'œil de Galilée. J'suis tellement fier que j'dors le point levé. Serre pas la main, serre-moi un verre. Kaira parle avec Diamantaire. Bah oui, j'bibi la drogue comme Sanofi. Bah ouais, j'étais triste à la mort de Kadhafi. Tu sais pourtant comment j'ai trimé pour l'avoir. Pas envie de parler, montre-moi de un saut parloir. Ce n'est qu'un détail. Qu'on vend de la mort ou du rêve, ce n'est qu'un détail. Pas de regret, coupe en détail. Essaie de nous faire un boulot, on te mitraille. Pas de regret, j'suis dans des bails. Bulgarie, acte de barbarie dans des bails. Oh là là, ce genre de bail. Où maintenant ne me demande pas d'où sort la maille. Oh là là, chaîne autour du cou, promène un six coups. J'prépare un gros coup, j'vais repère des loups. J'suis de Bandoukou, je bande beaucoup. Nouvelle loulou, rien à foutre avec qui tu marches. Moi j'vais rouler en Rolls Royce. Moi j't'ai pas vu, pas entendu, comme la finale de The Voice. Penalty, j'imprime ma virgule. L'argent comme le sang, faut que ça circule. Ce n'est pas que ta schneck pue, mais quand j'finis de ken, j'suis sourd et muet. Et j'tourne le jour, j'tourne la nuit, j'vois le four d'où je suis. Ma pitié en mode avion, gros boule, gros ass, full option. C'est la guerre, j'vais la faire. Si on me dit de l'enfer, j'suis des terres, j'baise leur mère sur le lit de leur père. Hey. Des Glock, des 6, j'ai toute la panoplie. Le sang des braves, la street, c'est ça nos vies. Bébé, j'te jure, il n'y a que toi qui compte pour moi. Bah ouais, j'les ken cette tempe, mais c'est pas ce que tu crois. Ce n'est qu'un détail. Qu'on vend de la mort ou du rêve, ce n'est qu'un détail. Pas de regret, coupe en détail. Essaie de nous faire un boulot, on te mitraille. Pas de regret, j'suis dans des bails. Bulgarie, acte de barbarie dans des bails. Ce genre de bail, au match on ne me demande pas d'où sort la maille.